dans une ambiance tamisée, de vieilles pierres et d'incusés, toute une salle rassemblée pour que le groupe les fasse danser. Une farandole ou une ronde qui nous vient de cette région du monde où l'herbe verte et les dolmens côtoient la magie de ces plaines. Dans ce petit comptoir irlandais, avec mes potes, on se posait afin de pouvoir déguster des Guinness fraîches et des Irish café. Dans ce petit comptoir irlandais, on y allait pour écouter le Thénardier, ses histoires de chevaliers puis de dragons noirs. Sous l'influence du violon, on avait toujours de bonnes raisons de commander une autre bière aussitôt qu'on vidait nos verres. Et il y avait le vieux René qui avait toujours ses idées sur le foot et la politique entre deux relents éthyliques. Dans ce petit comptoir irlandais, avec mes potes on se posait afin de pouvoir déguster des Guinness fraîches et des Irish café. Dans ce petit comptoir irlandais, on y allait pour écouter le Thénardier et ses histoires de chevaliers et puis de dragons noirs. Lors d'une journée comme les autres, on s'est retrouvés devant cette porte où cette feuille placardée nous annonça c'est terminé. Plus de Guinness ni de café, plus de musiques endiablées. Le Thénardier et ses histoires s'étaient éteints la veille au soir. Dans ce petit comptoir irlandais, avec mes potes on se posait afin de pouvoir déguster des Guinness fraîches et des Irish café. Dans ce petit comptoir irlandais, on y allait pour écouter le Thénardier et ses histoires de chevaliers et puis de dragons noirs. À ce petit comptoir irlandais, nous allons tous te regretter. T'étais une bulle dans notre monde de farandole et puis de ronde. Adieu à toi le tavernier, on te l'a pas dit mais on t'aimait. T'as enfin rejoint tes histoires de chevalier et puis